on est trop sous les dièses, entre deux feux. Et y'a que le panneau piéton qui est ouvert. On s'inquiète pas de rentrer un peu ton bug si la porte est ouverte. Chaque story a son lot de mythos, ça part de vrai. Respectueux face au nigo, mais peut-être pas que je devrais. La vie nous use, un baratin plus assombrit ma pensée. Rester conscient censé briser le silence avec des ruses. Y'a plus d'âge pour faire comprendre qu'on se tue à la tâche, à la ramasse. Tiens les mêmes propos que qu'on se pue à la masse, c'est dur. Teub est peut-être méchant, échanger du bif crado, seule monnaie d'échange. Attends le choix véritablement, vu tout ce qu'il nous dicte. Mais nos discours dénonciateurs à leurs yeux sont tous inaudibles. Bon qu'à partir avec des ruines, combat qui nous anime dans nos têtes, c'est la zizanie. Nos âmes s'abîment, va écouter ceux qui jacquent trop sale. Pas l'hiver nous fable, une ossature en château de sable. Bon qu'à partir avec des ruines, combat qui nous anime dans nos têtes, c'est la zizanie. Nos âmes s'abîment, va écouter ceux qui jacquent trop sale. Pas l'hiver nous fable, une ossature en château de sable. Mar des dictons, ils veulent qu'on grandisse dans des cases. Qu'on n'ait pas trop de frissons, je raconte la vision face, la version face morale des barreaux de prison. On vit sans ça, donc je vide mon sac, dur de s'en sortir sans le son. On grandit dans des sas, dans des fondations assorties de mensonges. Mais qu'est-ce qu'ils veulent en vrai, hein? Qu'on ait des rapports violents, des infos affolantes, qu'on se bute la gueule entre frères. On se fait péter le cul, c'est dur, c'est cache là, c'est disage, c'est tu. Mais qu'est-ce que tu feras, t'es une, c'est crash, remplace l'atterrissage. À croire que la vérité, ça fait crado dans le cadre. Je suis fier de mon pédigré, j'ai pas de château bancal infréquentable. C'est pas nous, c'est eux, ils ont vissé le fond. On grandit dans un vrai scandale, dans l'attente que nos vies s'effondrent. C'est pas un président, vois-tu l'acteur? Je les vois tricher, dirigés par des magiciens perturbants, fabulateurs. Perds pas ton temps à me démontrer leurs fables. Ces gens-là sont bons qu'à démonter leurs femmes. Bon qu'à bâtir avec des ruines, combat qui nous anime dans nos têtes, c'est la zizanie. Nos âmes s'abîment, va écouter ceux qui jacquent trop sale. Pas l'hiver nous fable, une ossature en château de sable. Bon qu'à bâtir avec des ruines, combat qui nous anime dans nos têtes, c'est la zizanie. Nos âmes s'abîment, va écouter ceux qui jacquent trop sale. Pas l'hiver nous fable, une ossature en château de sable. On y a cru à pouvoir changer le monde, les hommes et les visions. Les manières de penser opposées à la télévision. Discours de prolétaire déterminé dans ses actions. On demandera de se taire seulement dans l'intérêt de la nation. Aider l'école, ils traumatisent nos gosses devant des télécoms. Si c'était une fierté devant télécom, s'étonne que les plus grands fait les déconnes. S'achètent des armes et bouclent un gaz. Mais le respect ne s'apprend pas en lisant des bouquins de classe. Ils nous manipulent, les ficelles sont des chaînes en fer. C'est l'enfer, la canicule, avec du recul on avance à l'envers. On le sait mais qu'est-ce qu'on change, vu que le genre dirige la terre. Du tracas, des blabla, sur le papla, des blatères. J'ai pas de place, j'suis par terre. Je rampais, c'est ce qu'ils veulent, non? Nous voir lécher le sol, je pouvais pas le savoir en venant. Au monde, je m'exaspère, du pipo, des politiques. Ils niquent ta vie de merde pour que la leur soit prolifique. Bon qu'à bâtir avec des ruines, nos âmes s'abîment, va écouter ceux qui jacquent trop sale. Pas l'hiver nous fable, une ossature en château de sable. Bon qu'à bâtir avec des ruines, combat qui nous anime dans nos têtes, c'est la zizanie. Nos âmes s'abîment,